Antena Web, sintoniza-te. Retiens-moi, retiens-moi, je peux résister, mais tu me

Ali Homonye bad hunt at our key party. Nous pay assiré ou pay assiré. Nous n'avons technique par les statiques. Les dick mais à dans ça c'est ça. Criez nous moins encore pour ça. Yeah. promotion. Got the stars and all the promotion. Trying to sign with blondes, I'm getting promotion. I want to make a be familiar. Yeah, yeah. I want to make a be familiar. I want to make a be familiar. Yeah, yeah, yeah. Que je consomme avec des raisons rien que pour toi.

va, tu peux plus qu'on ne s'aime pas. Ouais, plus ça va. Comme un rempart, me voir, passe me voir. Sur un coup de cœur, on a cru s'aimer. Parfois marrante, malicieuse, dans cette superficie si nombreuse. Comment savoir qui sera la validée à l'attirance? Je se rôle quand les corps se frôlent. C'est pas trop lui qui pouvait croire. Je rencontrerai la femme ou ma vie. C'est pas mon avis, mais j'avoue que je serai ravi. Ensemble jusqu'à l'infini, finalement lié. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme un coup de poudre, dangereux comme la poudre. Mon pouvoir, on peut pas dissoudre. L'homme de la situation, un petit loup. Et elles ont les défilés. Et entre les cuisses se faufiler. Quand j'arrive, je vois les poupées. À gauche, à droite, ça balance de tous les côtés. Elle est si belle du diamant paré. Donc on s'allouche, j'ai une seule carré. Je fais des merveilles sur ce rap sensuel. Sensation, je suis dans la table pour qu'on la sente, il m'appelle. Ton regard est comme ça. Thank you. boy, baby, bring it darling. Oh, I can't touch my tout ça, j'ai already. Bring it boy, baby, bring it darling. When you listen, my dear, don't speak that me. No, oh, I think a boy, baby, bring it darling. Oh, j'ai sachi, moi, pique, j'ai quitté au parti. Bring it boy, baby, bring it darling. When you listen, my dear, don't speak that me. No, oh, I think a boy, baby, bring it darling. Oh, I can't touch my tout ça, j'ai already. Bring it boy, baby, bring it darling. When you listen, my dear, don't speak that me. No. For your mind, ah, the time that one. Les beaux jeunes hommes m'ont dénoncé. salle crie, que toutes les filles dans la salle crie, que tous les mecs dans la salle crie, que toutes les filles dans la salle crie. Mal. Yeah. Nyatao.